Mwen metem tou piti devan mou Tan kou yon peche Ki fini fè tout la priyèl Non mwen pa pè metem a genou Devan se yon pou jwen yon ti privilèj devan mou Si ou pa te existè Fè l'amou Ou mèm zanjè Vin pran plezi pou gade nou Mwen vle dèm touche Ou nou se pi bèl bagay Ken ka fè Telman natirel Si ou pa te existè Se respira